Le journal d'Internet sud-coréen Tongilnews a écrit « La direction de Taizone du Comité du Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin a tenu le 21 février à Taizone une réunion. Elle y a affirmé l'intention de s'engager activement dans la lutte pour faire réussir la conférence de toute la nation pour la paix et la réunification de la patrie et le développement des rapports Nord-Sud et adopter la résolution pour la réussite de la conférence.